looking for lyrics. Get in your dancing shoes, the one thing on your mind. Get in your dancing shoes. même pas joué. On n'a même pas joué du tombeau. On a tout arrêté du tombeau quand même. Le refrain de Goldman. Ouais. Je vais boire un thé. It's tea time. Happy New Year. J'ai perdu la batterie là. Envole-moi. Envole-moi. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Putain, ça marche plus ça. Good. I am. I stop the drum. Ça fait ça. Just a minute.